Pecno Antistar. Pecno Antistar. Pecno Antistar. Yeah. Tu me connais pas? Moi c'est Serenant. Cherche pas à me sérener. Essaie pas de me seriner avec tes phases surannées et Serrano. Je descends de ma montagne, nouveau Cyrano. Pareil que mes sérénades valent 100 fois leur son rennaise. Éclectique Wega, je fais péter les digues de la Zico Wega. Ton trophée je brigue, car tout ce que j'assène a du level. Attends que je décolle, ni de l'ancienne, ni de la nouvelle. Je suis de la haute école. Libertaire coco, le rouge et noir que Stendhal. Quand je serre le micro, c'est toujours un scandale. Mon inspiration, mes proches morts, j'ai trop de potentiel. Mes portions, mon cauchemar, j'ai trop de potentiel. Ok, là je trip. Mais mes sons pissent l'essentiel. Révoltés jusqu'au trip, je nique leurs élections pestilentielles. Ils veulent rien nous donner que des cellules de taulard. Les fachos leur ionnés, qu'ils s'allument entre connards. C'est l'heure de les détrôner, marxistes et anards. Ni Dieu donné, ni maître collard. Faut qu'on soit sans merci, de l'insigne à la source. Le jour où je fais Bercy, c'est sur les ruines de la bourse. T'as de bouse, comme quoi tous les fumiers sont pas fertiles. Leur crise, j'ai pas à l'assumer, alors je vais pas faire style. L'État nous prostitue et on lui boit le zizi. Jusqu'à ce qu'on s'étouffe et se tue, demande à bois zizi. Et des rappeurs super-héros ne sont que des gamines. Moon, c'est l'or. Bientôt tous ces blaireaux converseront avec mes chucks. Dès leur black and red skin, sans swag, exagéré. Si tu me resquis, goulag, autogéré. Serre, non, ni plus ni moins. Ouais, c'est ça, sœur. Ouais, c'est ça, frère. Parce que plus c'est pas humain. Et parce que moins je sais pas faire.